Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 82e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et pour cette nouvelle émission, j'accueille Laurent. Salut Lolo. Salut tout le monde. Comment vas-tu mon petit Lolo? Comme d'habitude, ça va, il fait chaud, il fait beau. C'est bien, y a rien à dire. Ça fait plaisir. Il n'y a pas d'actu VR. C'est... En même temps, quand il fait chaud, le casque VR, pouf. Donc finalement, mettre le casque VR sur ton crâne gras, c'est vrai que c'est pas terrible. Ouais. Oui, pas gras. J'ai ensuite, encore quelques cheveux. Ça éponge un minimum. Ensuite, voilà. Nous avons Majo. Salut Majo. Hello. Ça va bien mon petit Majo? Ben écoute, ma foi, dans ce week-end de 4 jours qui n'en est pas un, ça va. Ah ouais, y en a qui ont de la chance qui bossent pas le pont. Je n'en fais pas partie. Il y en a. mais on n'est pas là pour parler de pont et de boulot, on est là pour parler de réalité virtuelle. Et comme d'habitude, nous allons commencer par les news de Sur Lolo, s'il te plaît. Œuvre. Alors, des news. Alors une petite... J'ai même pas fait la promo. Je suis désolé Laurent. Ah oui, en plus, oh, j'ai remis le Tipeee sur le site. Il y a de la nouveauté. En plus, vous pouvez donner enfin du pognon. Ça y était plus depuis à peu près 2 ans et demi. Et puis la dernière émission, Sei, tu me l'as rappelé. Et j'ai dit, ah oui, effectivement, j'ai viré le Tipeee. Donc comment tu veux que les gens ils te donnent 1 euro si tu viens le Tipeee? Donc je l'ai remis. Ah, c'est ça. Oh, bah, et il clignote en plus. Il clignote, il est flashy, on a envie de cliquer dessus et de donner direct. Voilà. Non, c'est pas quand on le voit, on se dit putain, il faut que je fasse péter ma carte bleue, là c'est obligé. Ah ouais, normal. Donc en promo, on n'a pas le droit de dire faut donner du pognon. On va dire, faut dire oui, mais si cette émission continue, c'est grâce à vous, grâce à vos participations sur le Tipeee. Voilà. Et merci de donner, comme ça vous pourrez pérenniser la suite de l'émission, nous laisser indépendants et qu'on garde notre intégrité intellectuelle. Voilà. Alors qu'en fait, non, ça fera pas. Que vous donnez ou pas, ça fera pas vraiment de différence. Donnez l'argent, s'il vous plaît. On peut aussi aller travailler. Voilà. On peut travailler aussi ouais, pour payer notre matos. Donc, c'est ce qu'on fait depuis 4 ans d'ailleurs. Mais n'empêche, voilà, comme autour d'un VR, c'est un gros scandale et une grosse fumisterie. On est tous à l'eau. On aimerait bien pouvoir picoler un petit peu du champagne pendant qu'on fait les émissions. Donc pensez à nous, un beau geste. C'est vrai. Penser à notre alcoolisme et puis oui, et puis voilà, une bouteille de Jack ça coûte des ronds quand même. C'est clair, et puis à mon avis ça va augmenter en plus avec les taxes et tout. Putain, qu'est-ce qu'on va devenir sobre, quelle horreur. Ensuite podcast que vous pouvez retrouver évidemment sur toutes les bonnes applications de podcast, que vous pouvez noter d'ailleurs. Je remercie les dernières personnes qui nous ont noté sur Podcast Addict, notamment Danur, et puis sur Apple Podcast. Donc voilà, c'est cool. Les gens qui partagent aussi qui laissent des commentaires sur YouTube, sur la version YouTube de l'émission que vous retrouvez sur la chaîne principale. Et puis voilà, les gens qui nous ont rejoints sur le Discord et qui discutent bien avec nous, c'est fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas à venir pour discuter un petit peu avec la commu. Ceci fait, Laurent, tu peux reprendre là où t'en étais. Bah ça tombe bien parce que j'avais pas commencé, donc je vais comment. Donc le petit truc qui est sorti, alors qui est pas tout neuf hein, parce qu'on l'avait déjà vu, mais c'était un nouveau trailer de Skydance Interactive et Skybound sur The Walking Dead Sense and Sinner chapitre 2, Retribution. Alors Retribution. Le truc oui, bien, avec la grosse voix en plus, ça fait, faut le ça faire fait, comme ça fait Resident frissons. Evil, ouais. Retribution, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, bon, alors déjà, The Walking Dead, Saints and Sinners, ceux qui ne l'ont pas fait ont loupé leur vie. Ah, leur si vie vous game. Avez un casque VR, voilà. Non. Majo. Ah bah, je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini. Non, mais tu l'as pas fini, mais tu y as joué. Ah oui, quand même. T'as déjà planté 2-3 zombies comme ça. Oui, quel plaisir. Voilà. Ah oui. Et puis quel plaisir d'avoir du mal à enlever le couteau d'un crâne de zombie. Moi, ça m'a toujours. Quel plaisir d'avoir la pression face à 2 mecs en face de toi. C'est ça. Même un. Moi, j'aime ça. Même un. Ah non, ouais, c'est easy. un tesson de bouteille et c'est réglé. Un humain, voilà. Ouais, les humains. Ah, un humain, non, non, je parlais des zombies. Ah, ouais, non, les humains, plus compliqué. Ah, non, les zombies. Non, excuse de leur vue que des zombies. Donc, ben, ce qui est intéressant, c'est que c'est un trailer MetaQuest 2. MetaQuest 2 qui envoie du pâté, hein. Ça envoie même du très lourd en graphiquement. C'est assez amazing. Hein. Alors, bon, bah, clairement, ce qui est impressionnant, bah, il faut pas se mentir, hein, ça démarre avec le logo habituel du Quest 2 qui déboule, et puis après, tu as la bande-annonce qui déchire, qui est du PCVR, hein, qui est pas du tout du Quest 2. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un jeu qu'on peut clairement attendre sur PSVR 2. De toute façon, on a déjà eu le 1 sur le PSVR, donc ce serait complètement illogique qu'un jeu pareil n'arrive pas sur le PSVR 2. Donc voilà, c'était le petit truc. Alors, une démo, un petit trailer très très court, mais ça fait déjà envie. Et puis, vu que le premier était très bon, le chapitre 2 risque de le surpasser. Donc, c'était une petite parenthèse. Tout ce qu'on sait, c'est scénaristiquement. Scénaristiquement, tout ce qu'on sait, c'est qu'on incarne le même protagoniste, donc le touriste. Et c'est la suite directe du 1. Voilà. C'est pas un autre personnage dans un autre environnement. C'est vraiment la suite du 1. Donc ça fait plaisir parce que mine de rien, il y avait un bon petit scénar qui était pas non plus ultra transcendant, mais il y avait des décisions à prendre à la fin de l'aventure qui était plutôt cool. Est-ce qu'on peut se dire qu'il sortira aussi sur PSVR 1? Bah, s'il sort sur Quest 2, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Peut-être. Je dirais. Mais est-ce qu'ils vont vraiment prendre la peine? Je sais pas, on verra. Ça dépendra vraiment. Ouais, ça. S'ils veulent justement faire un petit peu comme le passage de la PS4 à la PS5, c'est-à-dire garder encore un petit peu le parc installé de PS4 pour pouvoir faire un petit peu du cross-gen entre les deux consoles. Est-ce qu'ils vont pas remettre le 1 sur le PSVR 2 avec les Sense? Ça serait pas mal aussi. Faudrait tout mettre sur le PSVR 1, enfin sur le PSVR 2. Des jeux PSVR, en tout cas les gros jeux, pour qu'ils soient plus jolis avec justement des sticks. Oui, voilà. Il y a tellement de jeux. Skyrim, redécouvrir Skyrim sur PSVR 2, ouais. ça serait génial. Quoi. Ouais, ça serait top, ouais. C'est sûr. Ouais, donc, alors avec des nouveaux menus. Ouais. Bon, encore ça allait. Je trouvais pas ça si foireux que ça. Pas plus que sur PC, quoi. Mm. Bref. Bah non, c'est pareil. L'autre petite news, c'est que, alors ça c'était cette semaine, c'est PlayStation qui recrute, recrute un directeur de gestion des produits avec une expérience de jeu pour PlayStation PC. Donc c'est un boulot qui est demandé sur San Francisco ou San Diego ou Los Angeles, et il est demandé une compréhension approfondie de l'industrie du jeu vidéo, en particulier des besoins et des tendances des jeux sur PC, crossplay et cloud. Et cloud mobile. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ça fait pas rêver, hein. Ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, on sait déjà que PlayStation, ils sont très axés mobile. Donc, on sait aussi qu'avec Apple et Arcade, il y a peut-être quelque chose qui peut se faire. Ça reste flou, mais il y a quand même la DualSense qui est la seule manette disponible sur Apple. Et Apple Arcade, ben eux, ils essayent de lancer leur truc mobile. Donc on sait qu'il va peut-être y avoir un truc dans le mobile, dans le cloud, on le sait aussi. Par contre, il y a quand même encore cet intérêt de PlayStation pour les jeux sur PC. C'est pas la première fois qu'ils nous en parlent, hein. Ils ont déjà commencé à ouvrir leur page Steam, ils ont commencé à mettre leur licence, ils ont redit et redit et redit, et là je parle à la fois de Jim Ryan, mais aussi de Yoshida, sur le directeur de Sony, hein, pas Shuhei Yoshida, qui a redit que le PC, il fallait ouvrir PlayStation à d'autres supports en mentionnant très bien le PC. Donc bah, c'est encore une petite goutte d'eau en plus, donc là ils recherchent quelqu'un pour directeur et gestion de produits PC. Est-ce que tout ceci, cette logique, cette politique d'ouverture sur le PC ne pourrait pas débouler sur une compatibilité du PSVR 2 sur PC? Pour le moment on n'a pas la réponse, on a juste ces petites gouttes d'eau qui tombent de temps en temps, donc on vous les signale, et puis ça commence à faire quelque chose de consistant, surtout qu'ils ont une politique qui est très claire, qui commence à devenir très claire côté PC, donc pourquoi pas, c'est pas impossible, c'est en tout cas c'est quelque chose qu'il ne faut pas écarter. Est-ce que si c'est le cas, est-ce que le PSVR 2 sera Day One compatible PC, j'y pense pas, parce que on a déjà parlé de Toby Abbey, donc qui sont spécialisés dans l'eye tracking, qui travaillerait peut-être sur une partie driver PC de l'eye tracking du PSVR 2. Donc c'est possible que le PSVR 2 sorte sur PS5 et puis que d'ici un an ou un an et demi, et ben il y a une petite mise à jour pour le rendre compatible. Mais là on parlerait plutôt d'une mise à jour officielle et pas d'un bidouillage, parce que si Sony ne fait rien, de toute façon il y aura toujours des bidouilleurs qui vont rendre compatible sur PC le PSVR 2. Là on parle vraiment de compatibilité annoncée par Sony. Donc bon, pour l'instant on n'en dit pas mieux, on compte les gouttes et puis on regarde. Indices, un indice supplémentaire, voilà. On le met sur la pile et puis voilà. Voilà, voilà. À quand l'officialisation ? Ah ben voilà, c'est un petit peu comme la rétrocompatibilité où on n'y croit pas trop, mais c'est des petites choses que on parle de temps en temps et puis on verra. En tout cas, ce serait dans la logique du truc vu que ils s'en cachent plus. En 2016, on m'aurait dit ça, je l'aurais pas cru parce que justement Sony était très fermé et avait pas du tout l'intention de sortir, alors que là ils sont plutôt en train de s'ouvrir et c'est là où je crois plus à ce genre de choses aujourd'hui. Bon, on verra. En tout cas, on espère. Voilà. L'autre truc, c'était cette semaine, alors c'était le gros truc de la semaine, début de semaine, c'était une grosse rumeur d'un événement PlayStation en juin et d'une présentation éventuelle du PSVR 2. Alors là-dessus, on n'en a pas parlé, alors vous remarquerez qu'il n'y a pas eu beaucoup d'articles sur le site. Pourquoi ? Ben parce que c'était encore une rumeur. Alors on allait dire oui, ben rumeur, il y aurait peut-être un événement, et puis après quelques jours après, ben on s'aperçoit qu'il y a rien, donc on commence à fatiguer sur ces rumeurs. C'était mars, les premières rumeurs d'événements. Voilà, fin d'année dernière déjà, il y en a. Ah bah ouais, mais oui, à peu près tous possible, les. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est allez, bien, tous les mois on en a une, donc encore des fois c'est plusieurs fois par mois. Donc là je me suis. On s'est abstenu. On en parle quand même dans le podcast, mais on s'est abstenu de faire un article qui allait encore s'additionner à tout ce qu'on avait fait sur les rumeurs. Surtout que celle-ci était particulière. Bon, alors, une rumeur d'un événement PlayStation en juin qui présenterait le PSVR 2. Aussi bien quand le podcast va sortir, ça va sortir et puis ce sera vrai. Mais aussi bien, il n'y aura rien du tout. Par contre, il faut quand même pas oublier que le mois de juin sera le gros lancement pour PlayStation de ses forfaits. Ces nouveaux forfaits PlayStation Plus. Alors, il s'est déjà sorti en Asie, au Japon. Du bruit. C'est sorti. Ça fait du bruit, ouais. Oui, ça a fait du bruit. On va en reparler du bruit. C'est sorti. Ça sortira le 2 juin en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, et ça sortira le 13 juin en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe. Ça sortira le 23 juin. Donc, c'est tout le mois de juin. Voilà, il va y avoir les trois abonnements, PlayStation Plus, PlayStation Extra et PlayStation Premium, je crois, le dernier. C'est sûr que dans ces conditions-là, marketingment parlant, je pense que PlayStation vont tout taxer, parce qu'il y a quand même le Game Pass en face, sur ces trois nouveaux forfaits. Et c'est là où le PSVR 2, du coup, la rumeur d'un événement PlayStation, c'est certain, en juin il y en aura un, parce que de toute façon ils vont communiquer sur ces abonnements. Est-ce qu'ils vont parler du PSVR 2? Alors ça, et les expliquer, ces abonnements aussi. Parce qu'il y a un petit besoin aussi d'explications supplémentaires. Voilà. Même si déjà tout était plutôt bien présenté, c'est vrai que ça reste un petit peu flou quand tu suis ça d'un peu loin, quoi. Oui, c'est sûr. Apparemment, l'histoire des tarifs, ils s'en sont pas vantés. Alors ça, je sais pas si ça va être bien accueilli. Hein. Alors ça, c'est pareil. On n'en a pas parlé non plus parce que ça a commencé à faire du bruit la nuit dernière, en fait. C'est parti d'Asie, hein, parce que ils ont commencé à avoir les le trajet est long. Voilà. la polémique. Si on peut appeler ça une polémique là-dessus. Le scandale. Le bad buzz. C'est l'ignominie. Le PS Plus. Non, c'est pas Bridge, c'est quoi? C'est la conversion. C'est une honte totale. Donc il y a. Ah, Gate, putain, Gate, le PS Gate, Plus Gate. Merci. Putain. Ah ouais, j'y étais pas du tout. J'étais comme ça, c'est la main tendue, je voyais que personne la prenait. Merci, Majo. Hein, putain. Mais moi non plus, PS Plus Gate. Je savais pas où tu voulais en venir. Ouais, mais... Bah, moi non plus, du coup. Toi, mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai enclenché le décodeur. Donc, la polémique, c'est qu'en fait, alors, il y a ceux qui ont pris le PlayStation Plus à l'année, comme d'habitude, ça changera rien pour eux, parce que de toute façon, il sera remplacé par le PlayStation Plus essentiel. Donc il y a aucun changement de tarif, ça changera absolument rien. Par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont fait les petits malins et qui sur le PlayStation Plus, alors, sur le PlayStation Store. Je t'arrête, Laurent. Je crois que si tu prends le PS Plus essentiel et que si t'as eu le PS Plus en promo, tu rack aussi. Moi, j'ai compris ça comme ça. Eh ben, c'est ça le problème, c'est que personne n'a rien compris, en fait, j'ai l'impression. Parce que là, pour l'instant, c'est des dires de joueurs qui se plaignent sur le PlayStation Plus. En France, il y a dû avoir un type qui a dû dire « c'est une honte, c'est une catastrophe ». Et bon, on sait comment fonctionne la presse, elle a relayé « c'est une honte » et tout ça. Mais apparemment, ce que la presse française dit pour le moment, c'est que ceux qui ont un PlayStation Plus actuellement, eh ben, et surtout ceux qui ont eu une ristourne sur ce PlayStation Plus, donc admettons qu'ils ont eu un pourcentage sur le prix du PlayStation Plus, quand ils vont passer au PlayStation Plus Extra, PlayStation Plus Premium, ils vont perdre cette ristourne qu'ils avaient. Et là où ça va encore plus loin, c'est que la presse dit carrément que ces gens-là vont devoir rembourser à Sony la ristourne qu'ils ont eue, ce qui est complètement con, parce que de toute façon, il y a un contrat entre le client et PlayStation. Ce contrat, c'est le PlayStation Plus à tel tarif. Si tu l'as eu à réduction sur le PlayStation Store, bah, tu l'as eu à réduction. La vérité, c'est qu'au moment où tu changes de contrat, forcément, tu perds tes avantages et tu repars sur un nouveau contrat qui est, lui, plein pot et qui ne propose pas de ristourne. Mais et sa gueule, parce que... qui n'est pas rétroactif, je veux dire, ça t'oblige pas à restituer de l'argent d'une ristourne. Non, voilà. Non, c'est quasiment sûr, parce que ce serait complètement illégal, déjà. Il y a que dans un cas où c'est possible, ça, c'est si tu gruges ton compteur d'eau en mettant une aiguille dedans et qu'il s'aperçoit que tu as grugé ton eau, là, par contre, tu auras arnaqué la société et dans ce cas-là, tu auras une amende rétroactive sur 10 ans. J'ai pas du tout suivi l'histoire, mais je pense qu'au niveau des droits du consommateur, il y a quand même des normes européennes qui vont dans ce sens pour rendre ce genre de pratique illégale. Est-ce que c'est la même chose en Chine? Est-ce que c'est vraiment sur la même base, justement, C'est la même chose, parce que c'est pas un contrat entre la Chine et le client chinois, c'est un contrat entre le client chinois et PlayStation. PlayStation, il a signé son contrat, vous payez tant par mois pour le PlayStation Plus, dans votre contrat, là, vous l'avez pris à telle date, je vous fais 15% de rabais. D'accord. Tu restes sur ton PlayStation Plus essentiel, tu touches rien, il n'y a rien qui bouge. Tu veux passer sur une autre offre, donc tu romps ton contrat pour ouvrir un nouveau contrat, tu perds tes ronds, tu perds ta ristourne. Faut pas croire que tes 4 ou 5 euros que tu as économisé sur ta ristourne vont être rétribués sur un PlayStation Extra ou Premium. Moi, je trouve ça complètement logique. Et ce qui me fait plutôt marrer, c'est cette polémique, justement, parce que t'en as certains qui sont en train de bien remuer la merde et chercher, ils vont la chercher même, la merde, pour faire des vues, en fait. On va en savoir plus dans quelques temps, mais moi, c'est pas un truc qui m'a choqué perso. De toute façon, le truc que je retiens, c'est que j'avais mon PlayStation Plus. Si ça change de nom pour un PlayStation Plus essentiel et que ça change pas de prix, si c'était vrai ce truc-là, ça veut dire que ça serait aussi le cas si tu passais d'un PlayStation Plus à un PlayStation Plus essentiel. Moi, je l'ai compris comme ça aussi. Ah ben non, parce que toutes les presses, ils disent si tu passes sur le Extra ou le Premium. D'accord, écoute. Puis de toute façon, à quel point c'est complètement débile de dire que tu vas être obligé de rembourser Sony. Alors que tu avais une ristourne, c'est une figure de style, parce que la réalité, c'est que tu romps ton contrat avec ta ristourne et tu démarres un nouveau contrat qui n'a pas de ristourne. Voilà, point. Voilà, ça c'est la réalité. Et les mecs, ils ont dit, la honte, il va falloir qu'ils remboursent le truc, parce que les 4 euros que tu avais sur ton ancien contrat, tu vas les payer sur le nouveau, tu n'auras pas cette ristourne. Donc ils considèrent que tu vas rembourser Sony avec ça. C'est sûr qu'il y a des petits malins qui ont acheté des contrats à l'année de PS Plus sur 4 ou 5 ans. Avec des prix tarifaires de malade, et maintenant ce produit-là n'existe plus, en fait, donc c'est des contrats qui c'était pas la peine d'acheter 4 ans d'avance, parce que eux vont se faire avoir, oui, c'est sûr, donc ils gueulent. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, enfin, pour résumer, je pense que l'information est encore un petit peu jeune, c'est-à-dire que ça date, voilà, ça a 24 ouais. heures. Il y a pas vraiment le recul et de ça, enfin, d'avoir plusieurs sons de cloche pour savoir exactement ce qui s'est passé. Sony, à ma connaissance, n'a pas encore réagi sur. Sur ça, si vraiment ça prend vraiment des proportions très très limites qui peuvent être vraiment préjudiciables pour Sony, ils vont certainement faire un communiqué et expliquer un petit peu voilà les recours, peut-être même si effectivement il y a eu des soucis de remboursement, rembourser peut-être les joueurs. Pour le moment, on n'en sait absolument rien. On en saura peut-être même plus quand le podcast sortira. Mais pour le ouais. moment, voilà. Oui, là, c'est tout récent. À l'heure où on enregistre, ça vient de se faire. Donc, dans les jours à venir, on en saura plus. Ce qui peut arriver, c'est que c'est vrai que Sony peut autoriser, si par exemple, tu as eu 4 euros de ristourne sur un PS Plus à l'année, ils peuvent retransmettre cette, mais ça, c'est à leur bon vouloir, parce que juridiquement, c'est un autre contrat. Ils sont pas obligés de le faire. Mais ouais. ils peuvent très bien te remettre cette ristourne-là sur ton nouveau forfait, qui était prévu jusque à temps dans l'année, quoi. Et dans ce cas-là, mais c'est un gros merdier, au niveau de la gestion, donc c'est ouais, vrai je pense que... ouais. ouais. De toute façon, changement d'offre global comme ça sur le PS Plus, je pense que ça va être une usine à gaz dans les premiers temps. Il va y avoir oui, un paquet de bugs, c'est ça. Un c'est paquet ça. D'exploits aussi peut-être au niveau des tarifs qu'il y en avait déjà en plus sur le PS Plus. Donc bon. Mais alors en ce moment, t'as tous les youtubeurs qui s'arrachent les cheveux sur les photos en train de faire ah scandale Sony t'es jaloux parce mourir, que tu peux pas le faire catastrophe. Ouais, ouais. Oh, c'est moche. Je l'ai eu fait mais depuis j'ai plus de cheveux. Mais donc disons que ça gueule de tous les côtés mais l'objectif c'est de faire venir les gens et de faire des vues en disant incroyable, c'est voilà comme d'habitude quoi. Bah après c'est aussi important de le signaler parce que si jamais tu le sais pas vraisemblablement c'est toujours pareil, c'est de poids de mesure. Est-ce que c'est, comment on dit, c'est un nouveau service, alors est-ce que c'est normal, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que c'est voulu. Bon, il y a aussi cette histoire de mail apparemment de réponse de PlayStation Hong Kong, comme quoi ben, c'est comme ça et c'est pas autrement. Bon, ça reste le lancement, il y a quand même le temps de voir venir si jamais il y a des trucs à apporter en correction, mais c'est quand même aussi bien de le signaler si jamais c'est comme ça pour tout le monde, parce qu'il y en a un paquet qui, je pense, pour le coup, vont attendre la date anniversaire de leur abonnement avant de le changer, quoi. Ben, disons que là, c'est la finalité, c'est ça. Le souci qu'il pourrait y avoir, c'est par exemple, tu payes ton PS Plus, on va dire de janvier à janvier pour l'année, et que en plein milieu du mois de juin, il t'oblige à passer sur un nouveau contrat PS Plus essentiel et qui te fasse perdre tous tes avantages que tu avais sur l'année au départ. C'est la question qui va se poser en fait. Or, sur Sony officiellement a dit que ceux qui avaient le PS Plus n'auraient rien à changer. Donc théoriquement, tu devrais, si tu ne touches à rien, tu devrais automatiquement passer au PS Plus essentiel si tu ne veux pas les offres supplémentaires. Alors, il faut préciser quand même, c'est important parce que je crois que c'est 90% des joueurs PlayStation sont abonnés PS Plus. Donc, ah oui. C'est quand même une 90 grosse, je crois que c'est ça, ouais. Il me semble qu'on est à je sais pas, mais je crois qu'il y a 43 millions de joueurs sur le PS Plus. Hein. Putain, mais ça me paraît hallucinant. Attends, je dis pas de conneries, mais il me semble que c'est ça. 90%. D'accord. Voilà. Alors, je me fourvoie, mais... Moi, j'ai vu 43 millions d'utilisateurs PS Plus. Mais bon, sachant qu'il y a 116 millions de PS4. Bah ouais. Ah, il parle... Ouais, c'est peut-être... ouais, non, c'est même pas selon... Enfin, d'utilisateurs de la PS5, quoi. Je sais pas. En tout cas, il faut. Ça crée une machine Afrique, en tout cas, si c'est le cas. Avant, moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que le joueur qui sait pas trop. Je cherchais, du coup, 87% des propriétaires détiennent également un abonnement PS Plus. C'est de PS5, excusez-moi. Ah, voilà. C'était Prox 90%, mais des joueurs PS5. Excusez-moi. L'apepriste, Majou l'apepriste. Autant pour moi. Ah, c'est le mix de deux informations. Voilà. Donc, c'est pas assez cohérent déjà. Donc, c'était pas faux. Donc, c'est deux joueurs PS5. Deux joueurs PS5, d'accord. Voilà, ça fait quand même quelques millions de joueurs. Mais c'est ça, ouais, 47 millions d'abonnements, pardon. C'est 47 millions, voilà. Donc ça fait beaucoup, voilà. Ça fait quand même beaucoup. C'est pour dire que ça concerne quand même beaucoup de monde, c'est ça que je voulais dire au final. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est comment c'est repris ce genre de news. C'est bien sûr, ça fait des buzz, ça fait putain, Sony enculé, ils vont nous faire payer, ils vont nous faire rembourser sur 25 ans tous les trucs qu'on a eu gratos avant, ou voilà. Globalement, c'est les mecs, c'est pour balancer des gros titres et puis pour faire du buzz. Concrètement, par contre, le petit joueur qui passe 5 minutes sur son téléphone, il va dire qu'est-ce qu'ils ont encore fait. Il commence à me faire chier. Je vais aller au Game Pass ou je vais aller je sais pas où. Voilà, c'est histoire de remuer. Pour moi, c'est plus proche du voici et du voilà que de la presse spécialisée de ce genre de réaction. Alors que pour l'instant, on n'en sait strictement rien de ce qui se passe. Donc, grain à moudre. Voilà, vaut mieux attendre. Du grain à moudre. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe de toute façon. On a déjà discuté, on en parle quasiment à chaque émission. C'est comme ça pour tout. Ouais. C'est comme ça. Ensuite, on avait un petit tweet de Fast Travel Games qui a fait un tweet. Et vu qu'il n'y avait rien à se mettre sur la dent, et tout le monde a retweeté le tweet qui disait juste « Nous allons juste laisser ça ici ». Et donc, ils ont publié une photo du PSVR 2 avec deux petits logos de Fast Travel Game dans chaque lentille. Et donc, il y avait un petit hashtag qui disait plus d'un seul. Donc, du coup, Fast Travel Games a annoncé plusieurs jeux sur PSVR 2. Donc là, c'est pareil. C'est super. Mais Fast Travel Games, donc ils ont déjà fait pas mal de jeux notamment... Il y en avait un paquet. Celui avec l'arc, j'ai bouffé le nom. The Curious Tale de Solon Pets, il y avait Apex Construct. Bien. Apex Construct. Ils en ont fait plusieurs. Dans le lot de tous leurs jeux qui sont sortis sur PSVR, il y en a trois qui ne sont pas sortis sur PSVR. C'est Virtuoso et c'est Cities VR et Budget Cut 2. On a eu droit au 1 qui n'était pas développé par Fast Travel Games. Et ces trois jeux, on travaille sur plusieurs jeux PSVR 2. Ça peut être aussi des adaptations. On se rappelle de Oblivion Afterlife, Where's Oblivion Afterlife, qui était quand même sur PC quasiment identique à la version Quest 2. Donc la petite crainte, moi, c'est que Fast Travel Games, j'espère qu'ils ont compris quelques erreurs sur Oblivion et qu'ils vont pas nous rebalancer un Virtuoso ou un Cities VR, donc la version identique du Quest 2 sur une console PS5 avec un PSVR 2. Le casque, on s'en fout, c'est qu'un écran. Par contre, la PS5 derrière, c'est sûr que s'ils nous font un copier-coller de ce qu'il y a sur Quest sur une PS5, c'est dommage, quoi. Et ça va se beaucoup voir. Et ça va se voir. City VR, il faut que ce soit du SimCity, quoi. Oui, voilà. Alors après, ils peuvent repartir de la base et puis l'upgrader à mort pour faire un truc super chouette. D'accord. Mais et puis si ça se trouve, donc ce sera aucun de ces trois jeux-là. Alors Budget Cut 2, pourquoi pas, ça aurait de la logique. Le Budget Cut 1 est arrivé sur PSVR, c'est vieux, ouais. C'est vieux déjà. Et puis c'est pas des jeux où ils vont s'éclater sur le PSVR 2, ça sera juste un portage. J'espère qu'il y a d'autres IP en cours qu'on ne connaît pas encore, parce que c'est quand même un studio qui a du talent. Et qui a fait des super trucs. Donc j'espère qu'ils sont en train de nous pondre un truc vraiment chiadé pour le PSVR 2 avec l'eye tracking, avec tous les effets que le casque peut proposer et qui vont surtout pas nous. Alors ils peuvent le balancer comme ça à la va-vite, tiens, Cities VR pour ceux qui aiment, pourquoi pas. Mais j'espère que derrière ils ont d'autres trucs dans leur besace. Voilà. Avant de faire la transition vers la prochaine news, Laurent, je voulais parler d'un trailer qui est sorti par des fans du PSVR 2. Vu que Sony ne fait pas le trailer du PSVR 2 officiel, c'est des fans, un site de fans a fait du coup le trailer. vu que le trailer est un petit peu repris quand même à droite à gauche, c'est quand même bien le diable que nous on n'en parle pas. Donc sur la chaîne principale, si vous avez l'habitude de nous suivre, vous avez certainement vu le nouveau trailer, non officiel bien entendu, de Laurent sur le PSVR 2. En 3D, on le voit bouger, on le voit sous toutes les coutures. Et puis voilà, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo-là, on vous invite vraiment à aller voir, jeter un coup d'œil, voir un petit peu le cœur de la bête Donc voilà. Je sais pas si il est très bien fait, on dirait un vrai. On dirait vrai. Bah, c'est ça. C'est l'occasion, parce que le problème c'est qu'on a que trois photos officielles, une côté lentille, une vue de côté et une avec les deux manettes, je crois. Et du coup, bah là, ça permet de le voir vraiment sous tous les angles, de tourner autour. Et c'est pas un concept design cette fois, c'est vraiment le PSVR 2 en modélisé en 3D, et comme ça, ça permet de le voir sous tous les angles. Avec en exclusivité Call of the Mountain à l'intérieur des lentilles. Wow. En plus, oui. Les gougouttes. J'ai mis du GT7 aussi. Ouais, c'est bien. Bah oui, de toute façon, oui, on est quasiment sûr qu'il viendra sur PSVR dessus. Oui, bah cela. Mais c'est vrai que oui, c'est. Disons que c'est un outil aussi pour nous, parce que c'est comme les trailers concept. Hein, il y en a qui disent pourquoi tu fais ça, c'est complètement con, fake, blablabla. mais bon, il faut savoir que quand on est un. Ça sert à rien sur Internet. Ah oui, voilà. on remercie ce commentaire. Lui, je le garde parce que c'est un collector. Mais donc, l'utilité pour nous aussi, c'est qu'on en a ras-le-bol d'avoir toujours les mêmes photos et tous les mêmes machins, comme ça, maintenant qu'il est modélisé, si on a besoin de faire un article sur le PSVR 2, et vu que Sony n'a pas l'air décidé à plus en parler en ce moment, au prochain State of Play, ils vont niquer ton truc, tu vois. c'est pas grave. J'ai hésité un moment avant de le faire, ce truc-là, hein, parce que j'ai dit, bon, ça va arriver, et puis je vois les mois, et puis ça arrive pas. Je me suis dit, on peut plus, allez, je le fais. Petite tambouille interne, je me souviens quand même, juste avant que tu postes et pendant que tu bossais sur le trailer, l'angoisse à chaque fois que tu nous en parlais. Putain, j'espère que Sony va pas le sortir juste avant. Putain, j'espère que Sony va pas le sortir. 40 heures de boulot, putain, j'espère que Sony va pas le sortir. L'angoisse totale. C'est pas 40 heures, c'est bien plus. En plus, même quand t'étais à 40 heures, déjà tu commençais à. C'est 40 heures par jour. 40 heures, c'est un dossier. Non, là, c'est des centaines d'heures, là, oui. Donc voilà, c'est bon, il va faire sa vie. Allez le voir et puis allez mettre un petit pouce haut et ça fera plaisir parce que vu le nombre d'heures passées, ça fait toujours plaisir de voir qu'une vidéo marche à peu près. Surtout que apparemment là il fait chaud et que les gens ils en ont un peu rien à foutre de ma vidéo. Donc non, c'est pas ça. C'est qu'ils en ont marre peut-être des vidéos inutiles sur Internet. Hein. Je pense que c'est tout possible. Simplement ça. C'est possible. Ils préfèrent voir Macron chez des youtubeurs, quoi. Ouais, voilà. McFly et Carlito. Voilà. Bon, la prochaine fois, on vous fait une vidéo ASMR. Ah merde. Bon, on s'en fout. On doit rien à personne. On les embrasse d'ailleurs, on les connaît bien. Salut. Hein, merci. Parce qu'on fait partie de la grosse famille YouTube. Ah, salut les copains. Allez. Salut les copains, je vous aime. Allez, con. Dernière petite news qui est pas une bonne news mais qu'il faut quand même qu'on en parle, c'est le jeu Outlier du développeur Joey à qui on doit Stride et puis ils ont fait d'autres jeux sur PSVR, je sais plus lequel. Je me rappelle plus. Bon, bref, il y avait Stride dans l'eau. Donc c'est un jeu qui est sorti sur SteamVR le 17 mars 2022 en accès anticipé. Et là, ils viennent de faire un communiqué. Alors c'est un communiqué qui m'a touché un petit peu parce que ça refroidit parce qu'on. Alors certes, je vais vous le lire le communiqué, ça parlera mieux déjà. Nos plans pour ce projet étaient ambitieux, mais malheureusement, nous avons surestimé la demande pour ce jeu. Déjà, c'est pas terrible. Et sous-estimer la complexité du genre roguelike. Après le lancement, nous avons réalisé que l'effort pour mettre en œuvre notre vision initiale de ce jeu serait trop importante par rapport au public relativement restreint que nous ciblions. Selon nos calculs, nous devrions impliquer une partie importante de l'équipe de développement pour travailler sur ce projet au cours des 8 à 12 prochaines semaines, ou prochains mois, avec une très faible probabilité que le produit puisse un jour atteindre au moins l'autonomie financière. Donc en gros, le jeu est annulé. Donc il y aura possibilité sur SteamVR de se faire rembourser. Il y aura pas de mise à jour, il y aura rien du tout. À partir de là, ça y est, c'est terminé pour Outlier. Outlier. On parlait la semaine dernière de Moss 2 où ça vivotait, c'était pas la joie parce que le PSVR était en perte de vitesse. Hein, ça. On ne se ment pas, tout le monde le sait. Mais on s'aperçoit que sur PC, c'est pas non plus. Ça ralentit aussi par rapport à ce qu'on a connu en 2017 ou 2018, où là c'était la folie. Parce qu'on en était quand même. Alors sur Steam, je sais pas s'il y avait pas c'était entre 700 et 900 jeux par an qui sortaient sur Steam VR, hein, passé un temps. C'était un truc de fou. Enfin, faut voir la gueule des jeux qui sortent, hein. Ouais, faut voir la gueule des jeux. C'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Mais disons que c'est alors je sais, ça veut pas dire que le studio Joey, ils vont se concentrer sur leurs autres projets, hein. Ils vont se concentrer sur Stride et sur d'autres jeux qui pour eux sera plus rentable. Est-ce que c'est aussi ils avaient plusieurs jeux, trop de jeux en développement et ils se sont dit il faut qu'on coupe une branche parce qu'on va pas y arriver. C'est peut-être pas lié au marché de la VR du tout. Bah c'est j'aurais eu une suite au communiqué en disant mais ne vous inquiétez pas, on a d'autres projets en cours, etc. Là c'est vraiment non, on annule, ça va pas être viable financièrement. Ils ont dit dans une dernière phrase qu'ils allaient se concentrer sur Stride et sur une autre licence. Mais bon, ça, c'est des communiqués qui, ouais, voilà, on se dit merde, c'est bizarre. Ils ont quand même commencé à travailler dessus. Ils arrêtent tout. Ça fait bon, voilà, ça refroidit et c'est pas forcément. Est-ce qu'ils ont pas mis la charrue avant les bœufs et qu'ils se sont vus trop beaux et que finalement peut-être. Ils n'arrivent pas à tout assumer et puis ils centralisent pour retarder parce que bon, ça reviendra. C'est exactement. Tard, hein. Si ça se trouve, c'était un trop gros projet qui demandait une équipe. Beaucoup plus de développeurs financièrement, c'était pas donc ils se sont concentrés sur d'autres projets qui étaient plus réalisables et plus rapidement bancables et peut-être que celui-là reviendra plus tard. En tout cas pour l'instant il est carrément annulé, voilà. Et c'est pas courant des jeux qui sont annulés, c'est pour ça. En même temps, c'est un jeu multi. Hein. C'est un jeu multi, ouais. Et c'est vrai que on sait que les jeux multi, déjà en place, c'est compliqué. Je crois que c'était Babylon's Fall, je crois. Fall, ouais, qui a foiré. Ouais, qui est quand même un jeu ambitieux avec des gros moyens derrière. Et je crois que c'est Square, si je dis pas de conneries, qui est derrière. Ouais, ouais. Et qui s'est retrouvé quand même. Dans sa longue agonie à un joueur connecté. Alors déjà que voilà, en place, c'est pas évident quand même de se faire une place. Autant dire qu'en VR, je pense à des jeux comme Transpose sur PC. Je sais pas s'il y a beaucoup de chats encore sur les maps. Il y a eu quelques victimes de ça. Hein. On se souvient de Space Junkie. Le Ubisoft, ouais, tout à fait. Ubisoft. Et puis il y en a eu d'autres que j'ai testé auxquels j'ai rejoué justement et exactement. Eve Valkyrie. Et du coup, c'est assez intéressant finalement que cette annulation d'Outlier arrive. Ça m'a donné un peu des idées et j'ai été refaire un tour sur Alvo et sur Solaris qui sont, alors finalement, on a l'impression des vieux jeux, mais pas si vieux que ça puisqu'ils sont sortis il y a un an, quasiment jour pour jour. Et puis, c'était des jeux donc massivement, voire uniquement multijoueurs. Alors pour Alvo, il y a la bonne et la mauvaise nouvelle. Donc Alvo, on va dire que ça va être la bonne nouvelle. Un anagramme de Pavlov sans le P, ouais. Souvenez-vous. Et gros Counter-Strike-like qui avait quand même pas mal de défauts à la base, notamment ses graphismes qui étaient dégueulasses. Petite parenthèse, je vous rappelle que les développeurs de Pavlov avaient dit qu'ils voulaient le porter sur PSVR 2. De Alvo, tu veux dire Pavlov. Non mais Alvo aussi, c'est vrai. Quand les devs de Pavlov avaient sorti ça, les devs d'Alvo avaient rebondi en disant que oui, nous aussi on va le faire, vous inquiétez pas. On peut faire. Hein. Voilà, on sait faire. Et du coup, quand on a vu ça, on était content, mais c'est vrai que quand le jeu est sorti, on s'est dit bon, concentrez-vous déjà sur la première version, et puis on parlera de la version PSVR de plus tard. Donc, concrètement, qu'est-ce qui a changé Alors, la chose la plus, comment dirais-je, la plus importante, c'est qu'il y avait trois modes de jeu qui étaient en coming soon, il y a un an donc, et qui aujourd'hui sont toujours en coming soon, voilà, arrivent bientôt. Donc ces trois modes de jeu supplémentaires sont pas sortis, donc c'était zombie, un autre mode et le troisième c'était le match privé. Donc voilà, on peut toujours pas jouer en match privé du coup à plusieurs. Par contre il y a eu quelques améliorations au niveau du contenu. Au niveau des armes, alors ils ont aussi corrigé quelques bugs puisque toutes les armes avaient les mêmes stats à l'époque. Il y en avait pas tant que ça, ils ont rajouté pas mal de killstreaks. Et puis au niveau perso c'est pareil. Et surtout ils ont eu une nouvelle map alors qui s'appelle Town. qui ressemble un peu, enfin, c'est une espèce de ville un peu romaine, assez typique européenne. Toujours petite, hein, les cartes sont assez restreintes là-dessus. Donc pour le coup, ça va. Ils ont quand même amélioré un peu leur jeu. Il y a du graphiquement, monde, il y a du monde dessus. Alors, ah, attends. Ah, vas-y, je te laisse. Graphiquement, ils l'ont un peu amélioré aussi, avec de meilleures textures, je trouve, mais ça reste, comment dirais-je, des textures plates. Enfin, il y a pas de relief, il y a pas de 3D ou très peu. Enfin, ça va être du contour de porte ou ce genre de délire. Il y a pas de tessellisation. Voilà, si tu le dis. Et mais par contre, le jeu est beaucoup moins aliasé, je trouve. Voilà, que ce qui y était fait. Alors, j'ai comparé un peu avec mes premières captures. Avec No Man's Sky sur PS5. Je le trouve quand même plus. Lance pas. Plus propre. Là, ça manque de vaisseau dans Halo, c'est vrai. Je le trouve quand même plus propre que dans sa première version. Et donc, pour revenir à la partie multijoueur, est-ce qu'il y a du monde? Oui, à partir du moment où tu peux jouer contre des bots. J'ai fait des parties, alors moi je joue plutôt l'après-midi. Et aujourd'hui j'en ai fait une, on était trois. Voilà, trois sur deux groupes de cinq. Je sais plus, c'est quatre ou cinq, je crois que c'est cinq. Deux groupes de cinq, donc sur 10 personnes, voilà, trois joueurs physiques et puis 7 IA. Donc c'est pas non plus la folie. Et puis, ensuite j'ai enchaîné sur Solaris. Alors quand tu lances le jeu, cool, tu vois, t'es encore bien dedans, on te balance que t'as de l'XP quotidienne, que tu peux débloquer des tenues quand tu joues régulièrement avec de l'XP et tout ça, que c'est ta mission hebdomadaire, quoi. Et puis entre un petit problème du PlayStation Network, une déco qui n'a jamais fonctionné. Qui s'est jamais remis en marche, pardon, le PlayStation Network a planté, alors du coup je me suis dit merde, est-ce que c'est le jeu qui déconne? T'as pas remboursé PlayStation en fait pour savoir le jeu d'abonnement, c'est pour ça. C'est ça. C'était le PSN, donc je me suis dit bon, ouf, tout va bien, et puis en fait quand j'ai lancé le jeu, il se passe rien. C'est-à-dire que je crois que je suis tout seul en fait, voilà, j'étais tout seul à lancer le jeu, donc c'est-à-dire que le jeu se lance, en gros, ça fait recherche de joueurs, ça passe, et puis après t'es en attente du match en permanence, et puis il se passe plus rien, quoi. La tristesse, voilà. Quoi. Donc Solaris, lui c'est pareil, hein, on l'avait un peu saigné. Alors j'ai préféré l'ambiance de Solaris à Halo, ce qui est toujours le cas. Mais par contre, le problème c'est que manque de contenu, encore une fois on l'a dit. Alors là où Alvo a su tirer son épingle du jeu en proposant un peu plus, Solaris, il a baigné dans son jus, quoi, il a pas bougé. Donc ça fait un an qu'il a pas bougé et il y a plus de com dessus, enfin il se passe plus rien, il y a plus de joueurs. Je sais même pas d'ailleurs si les serveurs sont encore actifs. Alors j'ai pas vu passer de communication comme quoi les serveurs de Solaris étaient morts, mais en tout cas il y a personne, quoi. Voilà. Donc encore un jeu uniquement multi qui n'a pas comment dirais-je réussi. Ouais. Donc comme on relance c'est le pas débat si ou pas que ça, quoi. On relance le débat sur les... non, sur ce qu'on prêche ici depuis le début, que un petit jeu à la troisième personne comme Astrobot ou comme on parlait de Hellblade ou des choses comme ça, ça fait un solo. Carton et solo. Et ça permet de créer un attrait des joueurs, et puis quand il y aura plus de joueurs, après on pourra envoyer des jeux multi, quoi. C'est oui. Alors moi je pensais en parler un petit peu plus tard, justement avec le thème que je voulais aborder plus après. Mais effectivement, en fait, le meilleur chausse-pied pour la réalité virtuelle, c'est d'adapter les jeux plats, tous les jeux en fait, tous les types de jeux en réalité virtuelle et donner le choix aux joueurs. Les grosses licences. Et effectivement, ça fait 4 ans, ça fait 4 ans qu'on dit ça. Et des grosses licences, voilà. Mais je parlerai de ce dont j'ai parlé. On en avait parlé au podcast numéro 10 où on avait invité Nicolas Doucet, on en parlait déjà. Ouais. On lui avait dit déjà qu'il faudrait plus de jeux. Parce qu'il nous avait posé la question. Alors, allez réécouter l'émission parce qu'elle est super intéressante avec Nicolas qui s'est vraiment prêté au jeu de tout dessus, sans restriction. Donc voilà, on a vraiment pu parler à cœur ouvert. Et notamment à la fin où c'est lui qui nous a posé la question, mais qu'est-ce qui, selon vous, permettrait justement de pérenniser le succès de la VR. Et moi, du tac au tac, je lui ai dit, mais en fait, et ben proposer tous les jeux plats en VR comme Hellblade, les TPS, ne pas avoir peur justement peut-être du motion sickness de certains en fait, peut-être faire une sorte de comment on appelle ça déjà, comme le PEGI, comme les PEGI en fait. Mmh. Ah, de level de motion sickness. Exact, bah, après, de prévenir. Il y a toutes les options de confort qui existent aujourd'hui. En plus, je veux dire, le motion sickness, c'est plus vraiment un sujet qui est abordé aujourd'hui. Enfin, franchement, c'est très rare quand on en parle. Quasiment plus. Même dans tous les tests en général, au début, c'était quelque chose de très important. Plus élevé. Ouais. Bah ouais, donc est-ce que les machines que c'est encore le cas et puis à la avec, limite, la PS, avec la PS5 en plus tu peux balancer du sur un petit jeu tu peux balancer du 120 FPS c'est encore le cas ouais. même sur PS5 avec les jeux qui ont le meilleur framerate, puisque moi j'ai des amis quand je leur fais essayer ils me le disent, donc il y a quand même un temps d'adaptation, mais c'est plus aujourd'hui, c'est plus vraiment un frein et c'est plus vraiment un argument, tant il y a de joueurs qui ont essayé la VR et tant il y a de joueurs qui n'ont plus ces symptômes. Ça reste quand même le sujet, parce que moi j'ai mon pote avec qui je fais des parties d'After the Fall, qui au bout d'un moment, et encore je trouve qu'il tient quand même vachement bien, c'est un novice au niveau de la réalité virtuelle, mais qu'au bout d'un moment, t'as le ventre qui commence à se nouer et puis c'est terminé après, pendant plusieurs heures après, il va... Après After the Fall, je suis d'accord que c'est pas non plus le jeu le plus friendly pour... Vu le framerate aux fraises qu'il a sur PC. Enfin après il joue sur PC, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Pardon, excuse-moi, j'ai oublié que j'étais un anti. Ouais, mais moi je me rappelle la toute première fois où j'ai démarré mon PSVR, donc en octobre 2016. C'était le 13 octobre même, parce que je l'ai eu le premier jour. J'avais démarré avec VR World et je me rappelle de c'était quoi Skylander Odyssey qui m'avait retourné la tête. Hein. Il était chaud quand même celui-là. Et j'avais dit putain waouh, c'est vrai que ça alors autant Ocean Descent tu es dans une cage, tu ne bouges pas, tu es jamais malade, tu peux pas être malade, autant des trucs comme ça, c'est sûr que le mec il démarre direct avec Ace Combat, il va poser son pâté, c'est sûr. Mais maintenant c'est acclimaté, tous on est tellement habitué que je vois pas quel jeu pourrait nous rendre malade aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est sûr, tu vois After the Fall, c'est un peu l'antithèse de ce qu'on est en train de démontrer, parce que le jeu était fini à la pisse, c'est un jeu multijoueur, et puis ben, en fait, ça passe. Bah, il continue en tout cas, il continue à avoir du succès, et puis il y a toujours du monde dessus. Grâce aussi aux joueurs Quest, grâce aux joueurs PC, grâce aux joueurs... Ah mais Solaris, il est sorti sur Quest. PSVR. Hein. Alvo aussi. Hein. Je sais pas, peut-être que... Ouais, je sais pas. Je sais pas, de toute façon, c'est vraiment une question de feeling. Si, Alvo aussi, il est sorti sur Quest, ça y est. Il me semble. Si, il y a la version Quest maintenant. Mais pour revenir justement au thème abordé là, c'est vrai qu'il y a tous les jeux peuvent être retranscrits en VR. Il y a plein de modes de jeux plats en VR qui fonctionnent super bien, et j'en parlerai d'un après. Les TPS, ça fonctionne du feu de Dieu. Les jeux de plateforme comme Lucky's Tale, ça fonctionne très très bien. Les jeux en 2,5D, ça fonctionne aussi super bien. Il y en a eu trop peu. Ça te plonge, il y en a eu carrément trop peu. Ça te plonge dedans. Et pourquoi Comment ça s'appelait, zombie machin là. Ouais, et puis il y avait aussi. J'ai bouffé les noms. Bloody Zombie. Petit théâtre. Bloody Zombie. Et le truc dans le petit théâtre là. The Lost Bear. Ouais. Bah, c'était super joli ces trucs-là. Pourtant, t'es statique, t'es assis dans un fauteuil devant un petit théâtre et tu joues à un jeu 2D, mais c'est super chouette, quoi. Et quand tu avances, en plus, t'as l'environnement qui change. Ouais, c'est ça. Super. Comme super... les jeux de flipper, mais... c'est pareil. Mais justement, on en discutait sur le Discord avec un auditeur. Et justement, au fur et à mesure de la conversation, même des jeux comme FIFA, des jeux de foot, enfin je dis FIFA, ça peut être autre chose, je sais même pas si ça s'appelle encore FIFA maintenant, mais bientôt plus mais pourquoi ne pas proposer aussi une version VR des jeux de sport, mais ça serait génial. Jouer à des jeux de sport comme si t'étais dans le stade, même comme si t'étais une caméra un en travelling, ouais, ou une caméra en oui, travelling aussi, parce ouais. que ça bouge un petit peu tout le temps pour suivre l'action, mais ça tuerait, soit et pour tous les grave. Types de sport, mais complètement. Et chaque jeu de bagnole de toute façon doit avoir sa version VR, sinon ça n'a absolument aucun intérêt. Moi GT7, tant qu'il n'y a pas de VR, tant que c'est même pas évoqué, ne m'intéresse absolument pas. C'est obligé qu'il y soit. Obligé. Donc voilà, il y a plein de jeux, justement ça devrait être un automatisme justement pour les développeurs, pour les gros développeurs, de pouvoir faire une version immersive. tu sais, même pas la play version VR, la version immersive, tu vois, parce que ça prendrait vraiment toute son ampleur, quoi. Donc voilà. Oh non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai, putain, j'y avais jamais pensé. Un jeu de foot où t'es dans la tribune du stade, mais ce serait génial. Mais ça serait trop bien. En plus, oui, pour évaluer les distances de ballon, de tir, de tout ça. Même un jeu de gestion de foot où tu vois toujours les matchs en automatique, où c'est l'IA contre l'IA, bah, là, tu te tapes une visualisation du match dans le stade, à l'endroit où tu veux. Bah ouais. Bah, ça serait formidable. Comme si t'étais dans le stade. Tu peux prendre des notes pendant le match avec un espèce de tablette, un truc. Ouais. Enfin, je veux dire. Mais un jeu de baston. Il y a tellement d'idées, quoi. Bah oui. Un jeu de baston, t'es un supporter comme un. Mais aussi, ouais. Et tu joues ton bonhomme, mais tu peux le voir sauter au-dessus de toi, tu peux à la manette et il se passe des choses autour de toi. Alors, je sais pas si ça va être très jouable ça, mais. Non, mais. En fait, ce qu'on veut juste dire, c'est cet aspect plan fixe. De toute façon, j'en parlais. Alors, je sais pas si je l'ai dit ou alors je l'ai pensé. J'en ai peut-être pas parlé là, quand je parlais de The Ascent la semaine dernière. Enfin, il y a 15 jours, pardon, ce jeu-là en VR, mais ça serait une boucherie aussi, c'est pareil. Mais c'est ce type de jeu en caméra fixe, en fait, qui pourrait te donner d'autres sensations, si tu veux, au niveau de la profondeur et de l'immersion. De toute façon, Moss, c'est le même délire, hein, finalement. Ah oui. Sauf qu'il y a moins de. Comment dirais-je, il va peut-être y avoir moins d'effets clinquants par rapport à des jeux plats. Mais c'est un peu le même délire, t'es en caméra fixe, moi j'ai l'impression de jouer à une fresque, une espèce de pièce de théâtre avec des maquettes en face de moi, quoi. Je trouve ça génial. The Ascent, la petite différence, c'est que c'est une vue vraiment du dessus, alors faudrait un petit peu adapter quand même la caméra pour la mettre peut-être plus proche du personnage et un peu plus basse, histoire que, il y a un truc toujours un petit peu dérangeant en réalité virtuelle, c'est quand t'as ton personnage par exemple baisse la tête et ce n'est pas toi qui baisse la tête dans les cinématiques mais c'est ton perso. Oui. Et donc du coup t'as l'impression de pas vraiment contrôler ton corps et basculer en avant. C'est là où t'as mal au bide. Voilà. Et ben justement jouer tout le jeu comme si en fait le truc était vraiment t'aurais je pense l'impression d'être un petit peu désaxé. Il y aurait quelque chose à faire, non, je pense. Tu rapproches un peu la caméra, voilà. Tu baisses un peu la tête comme pour les jeux de flipper et puis tu vois ce que tu fais. Et ça, non, mais de toute façon, le jeu n'a pas été pensé pour ça. Bien sûr. Ouais. Dans tous les cas, les plans de caméra fixe, ils sont pas pour rien. C'est, je pense, aussi technique. C'est-à-dire que tout ce que tu ne vois pas n'existe pas. Hein. Ça va pas au-delà. Que quand t'es en VR, forcément, tu peux tourner la tête n'importe où. Donc, si tu veux voir derrière et que c'est tout noir, enfin, tu vois, ça peut aussi casser un peu le truc. Mais bon, il y a peut-être moyen d'avoir des garde-fous pour ce genre de délire. Oui, tu meubles. Tu le meubles, tu dis que t'es dans un petit vaisseau et puis derrière t'as un siège et puis tu vois pas l'arrière. T'es dans un stade de foot, t'as la tribune. Oui. Le truc qu'on dit, c'est que la plupart des développeurs aujourd'hui, quand on pense VR depuis 2016, depuis 2014 même, faire un jeu de foot aujourd'hui pour un développeur, c'est il faut trouver un moyen de jouer au foot avec le pied parce que la VR c'est réel. C'est faire de l'argent. Ouais. Oui, mais je veux dire, ça serait tellement plus simple de prendre un jeu de foot, comme on dit, un FIFA, et tu le balances, tu te retrouves. Alors déjà, le mec, il aime le foot, donc il connaît l'ambiance des tribunes de supporters. Il va se retrouver dans des tribunes virtuelles et tout, comme s'il était au milieu du match. Et en plus, c'est lui qui contrôle les bonhommes, il va être comme un dingue. Bah oui. Et techniquement, carton assuré, c'est ce qu'il faut, quoi. Un jeu de foot. Il y en a eu plusieurs qui ont essayé de faire des jeux de foot en VR et ça va pas. Ouais, c'était nul à chier. Ouais, ça fonctionne pas. Il y a le jeu, et pourtant j'aime vraiment pas le foot, mais t'as le jeu où tu devais mettre des têtes. C'était justement dans une des premières. Ah oui, celui-là était bien. Headmaster. Celui-là était marrant. Bon, c'est pas vraiment. Ouais, mais c'est pas vraiment un jeu de foot. C'est plus un jeu fun, quoi. Non, mais il y en avait un qui s'appelait VFC, là, ou UFC, ou un truc dans le genre. C'était Cyril qui avait testé celui-là, je crois, sur le site. Tu devais simuler la course, appuyer sur B ou je sais pas quoi pour tirer. C'est naze, quoi. Enfin, je veux dire, aucun intérêt, quoi. De toute façon, il faut pas se leurrer, tu pourras jamais jouer au foot dans ton salon. En VR dans ton salon, quoi. Et encore, même en vrai, pour avoir essayé des vrais VR gaming room, là, je sais pas vraiment comment on appelle ça, où tu te déplaces physiquement dans le truc, enfin t'as quand même une latence, quoi, t'as quand même un petit décalage, donc. Et puis ça va. Aujourd'hui, jouer au foot virtuel en VR, compliqué. Non, mais en plus, enfin je veux dire, jouer au foot, hein, suffit de trouver des potes, un terrain et un ballon, donc Oui, en plus serait. Non mais voilà. T'as pas besoin d'aller dans une salle. J'ai pas de potes. J'ai pas de ballon. J'ai pas de terrain. Bah quoi ? Mais attends, mais non, mais faut sortir pour ça, mais t'es pas fou. Faut sortir. Non, mais alors, Kudo, un jeu de foot comme FIFA. J'ai pas de vie, j'ai pas d'amis, je m'achète un casque VR. Alors que la différence, c'est vraiment de simuler un match professionnel en réalité virtuelle, comme si t'étais dedans et tu contrôles en plus ce que tu regardes. Enfin, voilà. Avec l'immersion en plus de la réalité virtuelle. Enfin, c'est voilà. Enfin, moi, même, j'aime pas les jeux de foot, mais enfin, je trouve l'idée quand même assez. Et oui, cool, et puis quoi. Même une option où tu prends la place de l'arbitre et tu dois jouer le rôle d'un arbitre. Tout le monde joue au foot, mais jamais personne joue au l'arbitre. Et tu gagnes normal, des points. C'est normal, les toujours agacer l'arbitre. Ouais, mais tu mets des cartons rouges, tu mets des. J'ai cru entendre que c'était un enculé l'arbitre aussi. Donc c'était pour ça. C'est vrai. J'ai dire. Non, mais c'est vrai que ça pourrait faire un mode de jeu supplémentaire. Tu peux être arbitre, tu peux arbitrer des matchs. Tu peux tout faire. Du coup, tu peux jouer à 3. Parce que t'as un des potes, c'est l'arbitre. Après, tu peux lui taper dessus. C'est vachement marrant, quoi. Oh, c'est trop bien. Et après, donc, du coup, après jeu de baston, tu vois, tu changes la caméra et tu en fight. Il y avait un jeu sur NES comme ça de hockey qui était cool, où tu faisais ton. T'avais la vue du dessus pour jouer au hockey, et puis au bout d'un moment, si ça se fritait un petit peu trop entre deux personnages, ça changeait, ça se transformait en jeu de baston. Les NHL. Ouais, ouais, c'est sur Play. Sur Play aussi, ça l'avait fait. Oh, moi, le dernier auquel j'ai joué, tu vois, c'est sur NES. Autant dire que moi, les jeux de sport. C'était la série des NHL et c'était très bien ce jeu. C'était trop bien. Ok, bon, bah, c'est tout en tout cas. On en a déjà parlé. Ça serait bien qu'on ait des invités un petit peu extérieurs justement pour parler de ce genre de sujet, avoir un petit peu et même des gens qui ne connaissent pas forcément la réalité virtuelle, qui sont pas vraiment au fait, qui pourraient justement poser des questions un petit peu auxquelles on pourrait répondre. Ça fout la gerbe. Là, est-ce que ça pourrait avoir une limite justement dans les contrôles, etc. Non, parce que on peut faire ci. Ça pourrait être intéressant, ça, à étudier, peut-être pour une prochaine émission. Oui, mais on va essayer de reprendre un petit peu des invités, même des développeurs. Il y a des développeurs sympas côté Bordeaux, des développeurs français qui font des jeux. Alors pour l'instant, leur jeu, il est pas encore assez abouti, mais on en a déjà parlé. On va essayer de faire venir un peu des développeurs. On est en contact. On est en contact avec plusieurs, en tout cas. Ok. Et ben, est-ce que on peut passer au test, Majo? Au test ? Oui, au test. C'était Baby Hand. Test ? Ah, oui. Alors, je l'ai testé il y a une trentaine d'années, celui-là. Baby Hand. Qu'est-ce qu'il dit ? Donc, il vient de sortir sur PSVR, comme chacun le sait. Alors, j'étais pas prêt. Après le chien, Baby le Hand. Bébé. Alors, voilà, c'est ça. Bon, on va être honnête. On l'a pas. On s'en bat les reins un peu de ce jeu quand même. On en a marre. On l'a pas. Non, mais faut en parler parce que c'est la sortie de la semaine sur PSVR. La alors sortie c'est important. De la semaine. Il faut en parler. Donc Baby Hands ou les mains d'un enfant. Voilà. Tout donc, un programme. Jeu qui vous propose, mais comme son nom l'indique, de vivre la vie d'un enfant en bas âge. J'ai eu peur. Et de faire toutes les conneries possibles et imaginables. Qu'il existe, donc voilà, tirer à l'arc, renverser des trucs, jouer dans son bain, enfin tu vois, ce genre de délire. Et donc du coup, les développeurs n'ont pas été assez sympas pour nous envoyer une clé pour le tester, donc on est désolé, on ne pourra pas en parler. Et comme on n'a pas assez de tipeurs, et ben on ne peut pas l'acheter. Voilà. C'est ça. Mais on en parle quand même, c'est dire à quel point on est con quand même. Quelle honte. Et non, mais c'est surtout qu'on s'est tous sondés en interne et personne n'a envie de l'acheter. Ouais, donc, c'est bizarre. Voilà, on est désolé, mais là pour le coup, on n'a pas trop envie de se sacrifier, alors on en parle. Parce que c'est sorti, c'est au prix de, je ne sais, 14 euros, je crois que c'est 14,99 ou 18,99 euros, je ne sais plus. Comme ça. C'est un de ces prix-là, donc voilà. Moi, je veux dire. Depuis des années, on s'est quand même sacrifié. On a fait Kura the Kitten. Entre 10 et 100 balles. Pot River. Encore, on l'a pas testé celui-là. Voilà, on n'a pas fait un test. Mais vous pouvez voir la foultitude sur VR4Player de tests de jeux de merde qu'on a dû se taper. Ouais, on a fait un paquet. On a envie de profiter de notre retraite. Donc voilà, celui-là. C'est ça. Ouais. L'État ne sera pas généreux, donc il faut capitaliser. Voilà, donc, on veut pas trop s'infliger ça. Il vaut peut-être mieux économiser pour acheter des jeux PSVR 2 maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Et des bons, quoi, tant qu'à faire. Voilà. Donc voilà, sachez au moins que c'est sorti, c'est la sortie de la semaine sur PSVR. Et aussi, j'allais dire, j'en profite pour parler des promos qui sont jusqu'au 26 mai, mais je pense que quand la vidéo sortira, les promos seront finis. Donc du coup, il y a un article là-dessus. Mais... Elroco nous a fait un chouette article sur les promos. Exactement. Mais voilà, c'est jusqu'au 26 mai. Par contre, il y a les Days of Play qui arrivent, donc qui sont les prochaines promos sur des jeux récents. Donc sur des jeux récents plats, pardon. Genre Baby mais End. Qui inclut aussi des jeux PSVR. Donc la liste sort aussi demain normalement pour la totalité des jeux. Donc voilà, bah écoutez, dès qu'on en saura plus, on vous en dira plus. Il y a une petite parenthèse pour finir, c'est on en a pas parlé mais il faut en parler, c'est qu'aujourd'hui est sortie Firewall Zero Hour, la dixième saison. C'est quand même un jeu qui est là depuis 4 ans. Et qui a eu beaucoup de succès, et je suis sûr qu'il a encore du succès parmi les joueurs. C'est un des jeux qui... Et donc, faut juste préciser que la dernière saison, il y a des trailers un peu partout, est dispo. Donc c'est cool. Et j'ai une note... Une autre news. Vas-y, que te plaise. Que je suis en train de chercher. On avait parlé de la mise à jour de Swordsman. Donc il devait sortir fin mai en même temps que sa version Quest, et finalement, alors je suis en train de chercher la date en même temps, finalement elle est retardée au 8 juin je crois, et il y a également, alors ça je tease, il y a également une version boîte qui est sortie chez Limited Run, donc Elroco n'est pas là pour en parler. Donc il y en a plus. Voilà, il y avait 1500 exemplaires dispo, donc il n'y en a plus. Par contre, comme votre serviteur est un peu perché parfois, il s'avère qu'il y a eu Maldon avec mon cher collègue Elroco, et j'en ai deux. Donc j'en ai commandé deux. Alors on doit la recevoir, je dois les recevoir. Le scalper de merde. D'ici septembre. Je le vends à 1850 euros. Donc si vous êtes. Alors mais c'est ça en fait, c'est que j'ai deux options. Avec mon autographe. Soit je la vends. Soit je la vends sur eBay comme une fortune, ouais. Voilà exactement. Soit je la fais gagner. Voilà, donc je verrai mon humeur d'ici que je la reçoive. Dites-nous si vous êtes. Alors les gars, dites du bien de No Man's Sky sur le Discord. dites si vous êtes intéressé en commentaire pour le gagner. Alors ça sera pas pour tout de suite, hein, je vous le dis. J'attendrai de l'avoir en direct. J'avertis aussi, mais je le redirai dans 6 mois quand je l'aurai. Il y aura qu'un seul envoi, hein, donc me vendez pas du rêve en disant que vous l'avez pas reçu ou quoi, parce qu'il y aura pas d'autre envoi, ça sera, il y en a qu'un, donc voilà. Mais voilà, je pense que je le ferai gagner, enfin on le fera gagner, pardon, quand je l'aurai reçu, voilà. Qu'est-ce qui ferait mec pour se faire flatter pendant 6 mois, quoi. Voilà, exactement. Cirez-moi les pompes, les gars. Cirez-moi les pompes. Je veux que ça brille. Dites-moi que je suis beau. Allez-y. Voilà. Donc c'était pour la petite info. Non, mais je dis ça parce que je sais que dans le Discord, il y en a un qui était particulièrement déçu de l'avoir loupé. Donc c'est moi qui ai ta copie. J'en suis désolé. Et c'est pour ça que je peux. Mince, je propose de la faire gagner parce que bon, voilà, il y a eu un petit problème technique. Voilà. Oh, ok, ça marche. Bon, à bon entendeur, en tout cas, voilà. Soyez prévenus. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Vous voulez une petite rumeur vite fait, parce qu'on parlait de rumeur. Oui, tiens, ça change. First Contact Entertainment, donc qui a dit ses adieux à Firewall Zero Hour, qui a merci d'avoir passé votre temps libre immergé dans le monde de Firewall Zero Hour, et donc ils ont terminé en remerciant les fans et tout ça. Donc ça ressemblait à un au revoir, mais il y a pas mal de rumeurs qui diraient qu'ils seraient justement en train de travailler sur un nouveau titre, une nouvelle IP sur PSVR 2. Voilà. D'accord. Bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant que. Alors, en sachant que First Contact, hein, les développeurs de Firewall, hein, c'est ceux qui ont fait Solaris, hein, n'oublions pas. Oui. Solaris, dont on vient de parler. Solaris PSVR 2. Solaris 2. Solaris 2. Avec du contenu. Il a pas marché. Et si on faisait un 2? Ouais, c'est ça. Ouais, non, je pense pas qu'ils sont suffisamment fous pour faire ce genre de truc, quoi. Bien, et bien, je vais prendre la parole maintenant. Pour plusieurs choses, pour parler, ben, du coup, en fait, c'était lié un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, la transposition des jeux plats en réalité virtuelle, chose qui est possible sur PC. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur plusieurs jeux, alors, notamment Left 4 Dead 2, il y a un mode qui est sorti, donc un mode, le modeur s'appelle SD805. Et en fait, j'ai pas réussi à l'installer parce que je suis un petit peu une brêle en bidouille. Ou alors il y a un truc que j'ai pas dû comprendre, mais c'est pas bien grave. Parce que justement, il y a l'ami Rames, que vous devez connaître si vous suivez un petit peu l'actualité de la réalité virtuelle, qui a fait une vidéo explicative comment faire fonctionner le mode, avec une démo, un test justement de ce mode-là, que je vous invite à aller regarder. Voilà, Rames à qui on profite pour faire un petit coucou amical. Salut Rames! Parce qu'il n'hésite pas à parler de VR4Player sur les émissions dans lesquelles il participe. Et puis dans ses vidéos, donc voilà, c'est super cool. Et en plus, vu qu'on aime bien ce qu'il fait, et ben voilà, Rames, on te fait des gros poutous. Et on vous invite du coup à aller voir sa vidéo, notamment sur ce mode de Left 4 Dead 2, qui a l'air de plutôt bien fonctionner, en tout cas d'après ce que j'ai vu. Même s'il est toujours en cours de développement et d'amélioration. Donc voilà, n'hésitez pas. Par contre, un que j'ai réussi à faire et dont j'ai déjà parlé il y a quelques émissions de cela, c'est le mode de Resident Evil Village. Oh putain. C'est moi qui ai un anglais de merde. Je t'ai fait un mix entre l'anglais et du français. Resident Evil Village. Resident Evil Village. Voilà. Ah, et, le meilleur de tous. Le meilleur de tous, non, qui est pas ouf, hein. Que j'avais déjà terminé en milieu du jeu avec Vorpix, ça aussi j'en avais déjà discuté, que ça fonctionnait, mais c'était quand même pas terrible, c'était pas optimal, ça restait vraiment de la bidouille et ça restait de l'émulation VR quoi. Concière. Voilà. Tandis que là, non, il y a donc PrayDog qui a fait donc les mods pour Resident Evil 2, 3, le 7 sur PC et Village. Plus Monster Hunter Rise et Devil May Cry 5. Et il continue, le mec, d'améliorer régulièrement ses mods et de proposer des options, de faire des patchs, des contrôles, des visuels, l'optimisation. Et puis là, enfin, j'en avais parlé aussi de ce gars-là déjà avec quelques podcasts, notamment sur Village, où il y avait des problèmes de contrôle, où les contrôleurs VR ne fonctionnaient pas. Maintenant, ça fonctionne. Maintenant, c'est jouable. Maintenant, c'est ultra opti et c'est super beau sous le casque. Les réglages sont petits oignons. Les contrôles fonctionnent parfaitement bien et en motion gaming, contrairement à la version PSVR de Resident Evil 7 où on devait jouer avec la manette et puis viser avec la tête. Là maintenant, en fait, tu vises vraiment avec tes mains, tu utilises tes armes en fait avec tes mouvements. Non sans qu'il y ait quelques petits bugs graphiques de temps en temps, je vais pas vous le cacher. Mais finalement, ça fonctionne super bien et le mec continue de bosser dessus et continue à améliorer ses modes systématiquement, donc pour tous les jeux que j'ai cités tout à l'heure. Et voilà quoi, moi, enfin, je l'ai déjà dit, hein, mais un gars qui fait ça, un modeur qui arrive à faire de la magie comme ça, et des développeurs qui n'arrivent pas à proposer ça, même sur console, ou même sur PC, c'est qu'ils n'ont pas envie de le faire, en fait. C'est ça, finalement. C'est pas qu'ils peuvent pas le faire, c'est pas qu'il y a des difficultés pour le faire, ça c'est de la merde, ça. Surtout sur PC, c'est qu'ils ne veulent pas le faire. Quand tu vois des mecs, et j'espère franchement que si une version PSVR 2 sort de Resident Evil Village, et pourquoi pas même sur PC, que le boulot de ce gars-là soit pas tout simplement squeezé au profit de revendre encore une version VR de ces jeux-là, ouais, déjà sortis. Il serait capable de la récupérer et d'adapter ce qu'il a fait, ou de se débrouiller pour récupérer ce qu'il a fait. Alors, hein. Ça serait bien qu'il puisse récupérer justement ce que ce magicien a fait. Ça serait bien aussi qu'il le rémunère convenablement aussi pour tout le boulot accompli, hein, parce que c'est quand même... C'est le style de mec qui devrait aller faire un tour chez XDev, ça. Mais oui, parce que c'est oui. Bien souvent des, de toute façon, bien souvent c'est des histoires de licence. Ils détiennent, il faut payer des royalties pour avoir le droit à prendre la licence pour l'adapter en VR. C'est ce qu'on a vu récemment sur, je sais plus quel studio qui était content de ces CodeSync qu'on a parlé la dernière fois, qui avait récupéré les droits pour refaire. Mais après, c'est vrai que à la limite, ça serait le rôle de PlayStation ou d'autres gros studios de s'occuper de signer les droits. Un mec comme ça dans XDev, tu lui donnes un jeu et te le transforme en VR quasiment à lui tout seul. Donc, oui. Putain, qu'est-ce que ça coûte pour un studio, quoi? Bah oui, ça coûte juste de l'entretenir et c'est, ça serait du temps et de l'argent en moins. Ouais, mais ça reste du temps de développement, de l'argent. Enfin, on en a parlé il y a 15 jours, voilà, c'est banqué. Enfin, on en a parlé il y a 15 jours et vous en avez reparlé il y a un mois. Voilà, c'est l'argent, la priorité, c'est la rentabilité. C'est qu'est-ce qu'on va gagner si on fait ça? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on va gagner de l'argent, quoi? La rentabilité, elle est là. Si t'as qu'un gonze à payer pendant 2 ans, admettons. Mec à payer pendant 2 ans, tu sors, toi tu t'occupes d'acheter une licence, certes ça va te coûter des ronds, tu dis allez on va prendre un Doom, et puis un Doom éternel et on va le balancer sur PC, sur PC en VR. Je sais pas trop parce que il y a quand même comment dirais-je, ça reste des modes, il y a quand même beaucoup de choses qu'on tolère parce que ce sont des modes. Est-ce que ça suffirait? Est-ce que ça justement, est-ce que même si t'as mec pendant 2 ans, est-ce que ça coûte pas excessivement cher? Enfin, c'est toujours pareil, cette question de rentabilité. Wipeout, ils étaient 5, dont 3 personnes dans des bureaux qui ne développaient pas. Donc ça veut dire qu'il y avait 2 développeurs. Et les autres, bah, c'était des commerciaux, des gens qui s'occupaient de la production. Donc c'est une toute petite équipe pendant une année qui, à 5 personnes, on fait un Wipeout VR. 5 personnes aujourd'hui, un jeu comme Wipeout, je suppose qu'il a été rentable par rapport enfin, disons que c'est pas les employés qui coûtent le plus cher. Ce qui va coûter le plus cher, c'est récupérer la licence. Et Wipeout a demandé quand même beaucoup plus de boulot. Enfin, il a été réadapté, c'est-à-dire que le jeu a été quand même modifié sur pas mal d'aspects pour pouvoir être porté en réalité virtuelle. Il n'a pas été porté tel quel, comme ça pourrait être le cas d'un mode finalement qui change quelques fichiers et quelques réglages dans ton jeu, qui rajoute quelques possibilités, quelques options, mais qui ne va pas changer drastiquement le code du jeu en fait, comme ça a été le cas justement dans Wipeout en VR. Les versions de Resident Evil en VR avec ces modes là sont pas exemptes de défauts, hein. Par exemple dans les cinématiques, et ça justement avec The Ascent je commençais à en parler, dans les cinématiques ça reste tu as les mouvements de ton personnage dans ces jeux là en FPS, le personnage bouge beaucoup, réagit beaucoup pendant les cinématiques, où la caméra bouge selon les mouvements de la tête du personne que t'incarnes. Et c'est retranscrit, c'est-à-dire que tu peux bouger la tête, mais la caméra, elle, va bouger, va s'incliner, va tourner dans tous les sens, chose que tu n'as pas, par exemple, dans la version PSVR de Resident Evil 7. Tu vois, parce que justement, dans la démo, ils ont bloqué l'assiette, on va dire, de la tête de ton personnage pendant les cinématiques. En gros, quand l'attaque de Mia au début, si tu baissais pas la tête, tu la voyais pas. Tu la voyais t'arriver comme ça sur la gueule en face de toi, mais tu la voyais pas monter les escaliers. Fallait baisser la tête. Tandis que dans le jeu, justement, tu dois. Ça baisse automatiquement la tête. C'est un petit peu le cas, justement, dans Resident Evil 8. Il y a beaucoup de mouvements, le personnage est un petit peu malmené, donc de temps en temps, en fait, tu peux avoir des petites gênes, justement, pour ceux qui sont un petit peu sensibles à ça, pendant ces cinématiques. Mais... Alors, ce que je voulais dire, c'est dans Starchild, il me semble, dans la démo là, qu'on avait testé, tu avais ce changement de plan de caméra. Starchild. Le jeu qui est jamais sorti. Le jeu de la démo. T'avais pas de choix. Non, non. Oui, la démo. Non, c'était un jeu VR. Enfin, oui, 2D sur un plan fixe. Oui, c'était une démo. Ouais. Oui, mais la démo de Starchild, c'est ce que j'ai dit. T'avais juste un travelling qui descendait sur ce jeu-là. Mais l'assiette de la tête du personnage, de la caméra, ne changeait pas. D'accord, oui, il me semblait. Il y aura des images qui vont passer là pendant le podcast. Si vous voulez jeter un coup d'œil. Vous allez comprendre, je pense, mieux ce dont je parle et la gêne que tu peux avoir à ce niveau-là. Mais mis à part ça, bah franchement, ça marche trop bien, quoi. Le jeu, les volumes prennent forme, les pièces, toi, la Lady Dimitrichkou qui fait plus de 2 mètres de haut, là, elle en impose vraiment, quoi. C'est un petit peu comme l'expérience Vador Immortal où t'as Vador en face de toi, tu baisses les yeux, bah là, c'est pareil. Et du coup, où arrive ta tête en VR quand tu es face à elle? Vraie question. Tout le monde se la pose. Au niveau de la touch, ça te va comme réponse? Elle est vraiment grande. Donc désolé pour les gens qui sont choqués. Hein. mais voilà, en fait, tu rentres dans un nouveau lieu, en fait, rien que dans le manoir au départ, tu lèves les yeux, t'as les dorures, t'as tout, mais tout prend du volume, tout prend forme en fait, et de façon vraiment très très propre sur ce mode là, et ça j'incite vraiment là-dessus par rapport à Vorpix, ça n'a rien à voir, hein. Est-ce qu'il y a un downgrade quand même graphique ou pas, par rapport à la version plate? Alors je crois mais pour Village, je n'ai pas vraiment j'ai pas vraiment regardé les options, parce que j'ai déjà trouvé ça très très beau, et il me semble qu'il y a un tout petit pré-réglage downgradé par rapport à la version plate. En gros, tu peux pas tout mettre en ultra de bourrin avec ray tracing à fond. Je vais même pas vérifier s'il y avait ray tracing qui était mis. J'ai des doutes. Mais franchement, ça tourne quoi, ça tourne grave bien. Et c'est super beau, c'est vraiment super beau. Là, moi qui aime bien bidouiller et puis avec ma config, faire le bourrin et tout mettre à fond, j'ai même pas éprouvé le besoin de changer quoi que ce soit. Et ce qui est super intéressant aussi, ce que j'aime bien, ce dont j'avais parlé aussi quand je vous avais parlé de Resident 2 et 3 en TPS en VR, c'est de voir un petit peu l'envers du décor. C'est-à-dire que pendant certaines cinématiques, normalement, t'es pas censé, enfin, ton personnage en version plate est censé pouvoir bouger la tête, mais de quelques degrés. Là, tu peux complètement tourner la tête et te rendre compte que pendant la cinématique, il y a des choses qui se passent derrière. Par exemple, au début du jeu, tu dois prendre une bagnole, t'as une nénette qui est à côté de toi, et après tu lui demandes de reculer et de se mettre derrière le véhicule. Pendant que tu démarres le véhicule, quand tu tournes la tête, tu te rends compte qu'elle bouge en fait, qu'il y a des animations qui sont encore en cours pendant une scène juste avant. T'es autour d'une table, tout le monde se donne la main, t'as un mec qui picole derrière, et tu te dis, dans la version plate, que quand le personnage n'est pas à l'écran, bah, il bouge plus en fait. Mais là, tu te rends compte qu'en fait, il continue de bouger, il continue de picoler. Il y a plein de choses comme ça, l'envers du décor, moi, j'aime bien découvrir. C'est comme dans Silent Hill, je crois, où il y avait les développeurs qui avaient maintenu le fantôme qui te suivait partout, en fait. Juste ouais. Pour avoir une idée de présence. De présence juste derrière. Ouais, voilà. T'avais un modeur, justement, qui avait pu tourner la caméra du personnage, et que tu voyais que t'avais l'espèce de femme bizarre qui te suivait tout le temps, en fait. Qui te suivait tout le temps. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'adore. Et vraiment, encore un gros respect pour tous ces modeurs dont Praydog là qui fait du travail de fou quoi là-dessus, c'est vraiment génial. Donc voilà, je vous le conseille en tout cas. Okay. Si vous avez un casque VR et si vous avez un PC et ces jeux-là, et ben faut les faire quoi, faut même pas réfléchir. T'allais dire Majo? Non, j'ai dit ok. Ok, très bien. Et puis aussi maintenant. C'est terminé aussi maintenant que le podcast passe. Je voulais en parler il y a 2 semaines et j'avais complètement zappé. C'était Epic sur Epic Game Store, en fait, avait Red Out qui était donné gratuitement. Sans rentrer dans les détails, les jeux offerts sur Epic, la politique d'Epic, etc. Mais en tout cas, voilà, c'était offert. Et Epic, même dans sa version... Et Red Out, je veux dire, même dans sa version Epic Game Store, on peut le mettre en réalité virtuelle aussi. Comme sur Steam, il suffit de rajouter une petite ligne de commande dans les options du jeu, comme je l'ai expliqué dans une vidéo sur la chaîne Vrac, on met moins VR espace moins DX11, avec donc tiré du 6, c'est bien un espace entre les deux, et le jeu se transforme en jeu en réalité virtuelle. C'est un Wipeout-like, qui est plutôt pas mal, qui est quand même loin de la qualité de Wipeout sur PSVR, ça on va pas se le cacher. Ah ouais, que ce soit techniquement ou que ce soit au niveau des contrôles, niveau de la durée de vie, etc. T'as pas mal de DLC qui sont vendus pour allonger un petit peu la sauce, mais bon, voilà, je veux dire, Wipeout, t'achètes, t'en as. C'est le Wipeout du pauvre, quoi. C'est un petit peu le Wipeout du pauvre, mais il reste quand même super plaisant. Il y a des changements climatiques que t'as pas forcément dans Wipeout. T'as des petites idées comme ça qui sont plutôt cool. Il reste super, super efficace, super sympa, rapide. Il était gratuit, maintenant il est à 15 balles, mais franchement c'est une bonne pioche aussi si vous avez envie de prendre la version Epic, tout comme la version Steam, elle est mettable en VR et faut pas hésiter quoi. Et c'est tout con, c'est une petite ligne de commande et il faut se faire plaisir. Sinon prenez Wipeout, c'est plus simple. Oui, mais si vous avez une PS4, tout le monde a une PS4. Une PS4 et un PSVR, voilà. Là c'était un petit peu l'instant PC, on va dire. J'ai une breaking news. Breaking news. Ah. Breaking news. Ça vient de tomber, c'est tout frais. Ça vient de tomber, c'est tout frais. C'est tombé à 22h05. Faudra faire un jingle. Le 25 spécial, mai. Ça y est. Breaking news. PlayStation Asie. En raison d'une erreur technique, les joueurs en Asie qui ont déjà acheté un abonnement PlayStation Plus à prix réduit ont été facturés à tort pour leur prix de mise à niveau. Cette erreur a été corrigée et les joueurs concernés recevront un crédit. Nous vous remercions de votre patience. Donc, breaking news. Voilà. Et bah voilà, c'est tout est bien, qui fait. Finit bien. Ça c'est fait, donc, c'est réglé. Voilà. Donc on s'attend bientôt de tous les youtubeurs qui sont empressés à prendre cette news là de refaire une vidéo erratum en disant voilà. Oh là là là, scandale, je me suis un petit peu avancé. Scandale, trop rapidement. J'ai un peu chié dans la soupe trop rapidement. Voilà, mais on vous aime quand même. Je vous aime, mes chers abonnés. Voilà. Donc, bah voilà, bah, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, faut se méfier un petit peu. Je pense qu'il y aura quand même. Bon, on a tout, on a déjà parlé. Donc. Ouais. Et puis, autre petit truc qu'on n'a pas parlé, c'est la petite statuette de Astro, le petit robot. Les quatre petites statuettes. Non, la petite statuette. C'est la petite. Bah non, mais il y en a quatre. Non, il n'y en a qu'une seule. Sauf que tu as trois visages que tu peux clipser. Donc avec les yeux ronds, les yeux d'accord. qui sourient. D'accord. Ah, j'avais pas compris. Et en fait, elle est articulée et tu peux. Je comprends rien, en fait. Et tu peux rajouter les deux petits boosters sous les pieds pour donner l'impression qu'ils volent. Et tu peux lui fermer ses mains. Enfin, c'est un seul pack en fait. C'est une seule. Et bon, je trouvais sympa. Ça coûte un elle peu. Elle est sympa. Ça coûte un peu cher, je crois. Je crois que c'est autour des 60 euros. Je crois que c'est $70. Hein. Ouais. Mais et c'est pas très grand. Hein. C'est un truc qui doit faire 10 centimètres. À peu près avec il faut qu'elle soit sur son socle, tu peux pas la poser comme ça. Ouais, c'est un genre de figurine pop. Voilà. mais bon, j'ai trouvé ça sympa, donc voilà. Bon, pourquoi est-ce qu'on en a pas parlé? On glissera peut-être les photos dans la vidéo pour voir. Bon, si je veux déjà. Hein, voilà. Parce que si vous les voyez pas, ce sera Astro PS5. Veut pas. Voilà. Parce que c'est le Astro PS5, c'est pas le Astro PSVR, c'est pas le même. En plus, ouais, malgré tout l'amour que je porte à Astrobot et même sur la version plate sur PS5 qui est plutôt sympatoche. Bah. Oh non, il est cool. Ouais, il est sympa. C'est un petit bonbon ce jeu. Ouais, il est sympa. Enfin, franchement, je l'ai terminé. Voilà, je fais jouer mon fils dessus. C'est super cool. Autant les attrape poussière comme ça. Alors les Lego, c'est pas des attrape poussière. Ouais, je suis d'accord. Franchement, c'est vraiment un truc de gamin et je vois vraiment pas l'intérêt de ce genre de truc. Quoi. Donc ça ouais, chope la poussière, c'est nul, c'est. J'ai pas besoin de tendre le bras très loin, hein. De toute façon il y en a partout. Donc... Ouais, les mecs sont crédibles. donc voilà. Putain, d'ailleurs, je suis passé à côté du Lego Le Long Coup. Le long coup d'Horizon Forbidden West. Là, ils avaient fait un truc en Lego et je suis passé à côté. Tu l'as toujours pas acheté? Non, mais il y en a plus, rupture de stock. Alors, je sais pas, je regarde de temps en temps et puis. Putain, c'est étonnant. C'est la. Et puis voilà. La pénurie des composants. Des composants plastiques, c'est ça. Mais ça, en plus, c'est un peu vrai. Donc voilà. Eh ben, messieurs, est-ce que vous avez d'autres petites figurines à nous partager? Non. Moi, le petit Astro m'a bien plu. Ouais. Voilà. Pas vous. Ah, sinon, mais... moi, genre attrape-poussière, j'ai ça aussi. Je sais pas si moi aussi, j'en ai plein des attrape-poussières. Ouais, il est flou. Ah ouais, grave. Ouais, de la poussière. C'est propre chez toi. C'est un scandale, t'as vu? Non, mais j'aime bien. Mais j'en ai des comme ça aussi, hein. Ils sont tout là-haut et si je l'enlève, c'est des nids à araignées. Ah, mais c'est ça. Je n'ose même pas y toucher. Putain, c'est dingue. Ouais. Je vous les montrerai un jour. C'est parfait pour les gens qui nous écoutent. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ouais, c'est, bon. On est désolé. Je crois que je couperai. Je couperai cette partie. Ou pas. Ouais, c'est là, c'est cadeau. Voilà. Comme ça, ils pourront écouter le podcast et puis après venir mettre du clic sur. Ça aussi, ça sera bientôt un attrape-poussière. C'est un truc d'escroc. Ah ouais, bah on espère. Le plus tôt sera le mieux. Hein. Ouais, garde-les, ça coûtera cher ça plus tard. Donc là, Laurent montre le PS Move. Voilà. Voilà, je montre un PS Move. Tac. Voilà. Et ben, après. Cette fin à l'arrache. Ce petit instant tout à fait professionnel, on va vous laisser. Petite émission, voilà. Et puis dans. Ouais, encore deux émissions et ça va être la trêve estivale aussi, messieurs. Eh oui. Donc, déjà. Bah ouais, déjà. Oui. Mois de juin, bientôt. Mais j'espère qu'on va pouvoir annoncer le PSVR 2. Ouais, juillet. Ah, ça sera incroyable qu'on ne l'annonce pas. Alors, j'annonce ainsi, s'il est annoncé pendant les vacances, vous inquiétez pas que vous allez entendre parler de nous et puis qu'on sera évidemment au taquet malgré la trêve. Hein. Mais en tout cas, voilà. Ce qui est prévu, c'est qu'il y ait encore deux émissions et puis après, c'est la fin. Enfin, c'est la fin. Momentanément. C'est l'été. Et on redémarre en septembre. Ouais, c'est ça, c'est les vacances. Quoi. C'est l'été, voilà, on reviendra tout bronzé, tout reposé, et puis ça sera pas mal. D'ici là, messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je remercie. Oui, avec plaisir. Également. Ce fut un plaisir. Nos chers auditeurs qu'on aime, et à qui on fait des gros bisous et des gros poutous, qu'on vous aime. Il y a quoi comme formule encore à dire Mes mamours, c'est pas mal, mes mamours. Donner des sous. Mes mamours, mes mamies. Aider à pérenniser l'émission. Et puis, bisous, bisous. Et c'est vrai que c'était vraiment très, très à l'arrache, hein, cette fin. Bon, bah, voilà. Ouais. Allez, à dans 2 semaines. Bisous, ciao. Ciao. Jusqu'au bout à l'arrache. Magnifique. Salut. Ciao. Putain, maintenant, il va falloir que je nettoie la poussière parce que. Incroyable. Ah ouais, bah moi aussi, hein, putain, ça craint. Hein, mais tout ça pour un truc qui sera même pas visible. Oh, mais ce final, quoi, cette émission d'1h20. Ah bah, c'était bien. Alors, le début, on était pas mal, mais alors plus on arrivait à la... Merde, plus on avançait vers la fin, plus c'était compliqué. Mais c'est ça qu'on aime.